On va parler de Snowcross. C'était une compétition importante en fin de semaine pour Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc. Il était à 28 points d'avance au championnat. Il y avait trois courses à faire. Et question de savoir un peu comment ça s'est déroulé. Ben, on lui parle. Salut, Tim. Salut. Tim, je pense que ça a mal été en fin de semaine. Malheureusement, tu as perdu le championnat en raison d'une panne qui est survenue vendredi soir. Ouais, je dirais pas que ça a mal été, ça a super bien été à part cette course-là. J'ai gagné trois de mes qualifications sur six en fin de semaine. Les trois autres, j'ai terminé deuxième. Les deux autres finales, j'ai fait une deuxième puis une troisième. Donc j'ai vraiment été constant toute la fin de semaine. Puis celle-là de vendredi, j'ai parti deuxième, j'ai dépassé tout de suite pour la première place. J'avais une bonne avance, j'avais 6-7 secondes d'avance. La course était dans la poche, il ne restait seulement que deux tours, puis j'ai eu un bris mécanique malheureusement, puis j'ai fait un DNF, là, comme on appelle, j'ai pas terminé la course, donc ça a vraiment scrappé mes chances pour le championnat. Là. Ça fait que c'est vraiment dommage pour ça que j'ai tout donné puis que j'ai tout fait correct, mais que ça vienne à un bris mécanique. OK. On parle d'une, je sais pas comment le mot en français, mais d'une strap qui est brisée. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, une courroie dans le fond. Là, OK. Une strap, comme on appelle au bon lac Saint-Jean. Là. OK. Donc, c'est vraiment décevant pareil hein, quand on regarde ça. Ben écoute, je suis vraiment déçu. C'est certain parce que c'est ma vie, puis c'est un projet que j'ai travaillé fort. T'sais, ça fait un an que je travaille pour ça, que je m'entraîne fort, puis que je donne tout mon 110% pour ça. Mais t'sais, en même temps, ça fait partie du métier. Puis t'sais, je me suis pas blessé. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu péter ça se trappe là sur un saut, puis me blesser, puis. Mais ça aurait peut-être vraiment pire, mais c'est certain que c'est décevant, mais je suis content de la façon que j'ai raté cette année. À tous les week-ends, je me battais pour la première place. J'ai mené le championnat depuis la troisième course, donc je pense que j'ai rien à me reprocher, puis j'étais l'homme à battre définitivement cette année. Là. OK. Mais là, c'est de bon augure quand même. Là. C'est une malchance. C'est de bon augure pour les prochaines années, là. Ouais, je suis super content, puis c'est certain que je suis déçu, puis avoir été plus jeune, là, j'étais un petit peu plus peut-être tiré mon casque ou des choses comme ça, mais j'ai vieilli depuis ces années-là, je suis rendu un vétéran du sport, donc il y a rien qu'on peut y faire, puis j'ai vraiment tout donné ce que j'avais, puis ça fait partie des courses et des bad luck, mais j'avais signé un contrat de 2 ans, puis c'est certain à 100% que je reviens l'année prochaine puis que je vise le championnat encore. Tu sais, c'est moi l'homme à battre comme on peut dire cette année. Puis c'est une malchance, mais c'est pas grave. On va s'entraîner encore plus fort puis essayer de revenir en force pour avoir une plus grosse avance avant la dernière course l'année prochaine. En course automobile, les voitures augmentent beaucoup. Tu sais, d'année en année, il y a des différences. Est-ce que c'est la même chose en snowcross? Je dirais que c'est pareil. C'est peut-être pas des aussi grosses steps que les voitures de course, mais okay. Nous, à chaque année, il y a des améliorations qui se font sur la machine, puis certainement qu'ils vont avoir des straps différentes, comme on pourrait dire, parce que ça a été un petit peu un problème seulement pour la marque là, de Ski-Doo. Les autres compagnies n'ont pas l'air d'avoir un problème avec ça, donc c'est certain que c'est de quoi qu'ils vont travailler. Puis il y a d'autres truc confidentiel aussi qui devrait sortir l'année prochaine que j'ai pas le droit de dire, mais qu'on espère avoir des avantages avec ça. OK. Tu avais signé un contrat de 2 ans, c'est ça? Tu vas être à la deuxième année de ton contrat? Oui, j'avais signé 2 ans plus 1 année d'option qui est comme renouvelable là, en janvier. Donc, c'est certain que je course l'année prochaine, puis après ça, je renouve mon contrat. Fait que d'après moi, je devrais être encore un 2 ans certain, puis après ça, ben on va voir là, après ces 2 ans-là comment que ça va. Puis si je suis encore performant, ben on va essayer de continuer le plus longtemps possible. OK. Est-ce que tu quand tu parles d'entraînement, c'est quoi l'entraînement de snowcross? C'est de la course à pied? C'est beaucoup de cardio aussi? C'est quoi? Ben moi, je fais beaucoup de motocross Ah oui, c'est vrai, durant c'est vrai. l'été. Fait que Ouais. c'est un bon entraînement pour le snowcross. En plus, cette année, je vais faire les nationales canadiennes, donc je vais faire des courses qui sont quand même assez longues, puis très bon pour le cardio. Puis je vais avoir vraiment beaucoup de compétitions. Fait que ça va aider pour mon niveau de me garder élevé là, avec la course, puis ma concentration, puis tout ça. Puis je fais du gym aussi. Beaucoup de gym, plus à partir du mois de juillet août pour plus me bâtir une shape là, de snowcross, parce qu'en motocross, t'as pas vraiment besoin d'être fort physiquement. Je te dirais que je prends environ entre 15 et 20 livres de muscles pour le snowcross pour être plus fort physiquement. Okay. Puis je fais beaucoup de vélo de route, vélo de montagne, toujours le cardio à fond, comme on dirait. Puis c'est de quoi que je m'entraîne à l'année longue. Tu sais, je veux rester toujours à mon 100%, puis essayer d'avoir une carrière le plus longue possible. Fait que c'est pour ça que je mets les chances de mon côté pour être le plus en forme possible. OK. Est-ce que c'est les blessures, est-ce qu'il t'arrive peut arriver des blessures en motocross l'été? Oui, Qui pourrait c'est. combler ta, qui pourrait évidemment te mettre ou au moins faire en sorte que qu'il pourrait te ralentir et que tu sois blessé. Ben, c'est certain que, tu sais, tous les sports dangereux que tu fais, Ouais. c'est dangereux, puis tu peux te faire mal, puis, mais moi, je le vois d'un autre côté, tu sais, je le prends vraiment comme un entraînement, puis la saison, elle termine au mois d'août, OK. donc ça me donne quand même le temps, même si j'avais une blessure qui serait pas trop grave de guérir avant la fin de la saison, mais c'est toujours des risques qu'on prend, mais on a seulement qu'une vie, puis... Moi, je la vis à fond, puis j'aime ça courser en motocross. Donc, c'est certain que vous allez me voir courser en motocross cet été. Ça, c'est certain pour moi. OK. Dis-moi, Tim, quand on regarde la saison, c'est ta première année de ton contrat avec ta nouvelle équipe. Même si tu as perdu, il y a de quoi être satisfait, C'est pas la première année avec mon équipe. Moi, hein? j'ai été 3 ans avec eux autres avant. C'était juste un renouvellement de contrat, mais. Non, je suis vraiment satisfait de l'équipe. Écoute, ils ont tout donné de leur côté. Puis c'est vraiment plate que ça finisse avec une bad luck comme ça, qu'on perde le championnat, mais on était en bataille pour le gagner jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Je menais le championnat. Donc, ils ont vraiment travaillé fort. On avait une bonne machine cette année. Vraiment compétitrice. On avait des bons départs. Donc, j'ai rien à dire, c'est malheureux qu'on termine comme ça, mais je pense qu'on peut partir la tête haute. Puis j'ai tout donné, mon 100%, tout donné mon cœur à ça, puis espérer d'avoir un peu plus de chance l'année prochaine. OK. Au cours des prochains mois, qu'est-ce que tu me tends à faire? Repos, j'imagine, complet? Pas vraiment. OK. Je te dirais que je vais partir au Mexique avec ma blonde puis des amis. Jeudi pour une OK. semaine, des vacances Ben oui. bien méritées. Puis après ça, toujours je vais retourner en entraînement tout de suite au début d'avril, car j'ai signé un contrat avec une équipe factory en motocross, donc je vais faire le national canadien au complet. Donc il faut que j'aille m'entraîner pour ça, puis l'entraînement recommence pour moi le 1er ou 2 avril. Ah, OK. Ben, Tim, on va essayer de te suivre en motocross aussi, puis on va te suivre à côté du snowcross à côté de l'an prochain. Bon, ben, merci beaucoup. J'aimerais ça remercier tout le monde qui me suit du lac Saint-Jean, puis qui m'écoute. Puis je sais que mon père, il m'écoute tout le temps aussi. Puis merci à tout le monde de m'encourager, puis essayer de vivre vos rêves. Moi, j'avais un rêve dans la vie de devenir un champion en motocross, puis en snowcross. Puis j'ai jamais abandonné, puis j'ai réussi à le réaliser. Donc, j'aimerais juste ça dire à tous mes fans d'aller à 110%, puis jamais Ben, lâché. bravo Tim, on se reparle probablement cet été. OK, merci. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc.